C'est de la merde. Et voilà. Vous avez rien ou pas foutre, tu regardes la télé. Allez, sortez de là, on en a rien à branler. Vive l'anarchie. Image du livre, est-ce qu'on va sortir faire un petit tour dans la zone pour le pâté de maison comme un vieux livre c'est tous les personnages. Après trois semaines de traversée, le Melquiades arrive à La Guerre, Venezuela. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. Pour être vrai, il convient de dire que ces refrains viennent à vous dans les rues de la ville moderne, une fois couché le soleil. Bonjour Saint-Etienne, bonjour le monde et bienvenue sur le 895 de Dio si vous nous rejoignez en ce jeudi 27 février 2025. Des mots, des sons sensibles, autant vous l'annoncer d'emblée. Dernière émission directe ou presque de cette semaine et pour quelques jours. Une petite semaine de répit dans la semaine approchante et semaine prochaine et on se retrouvera à partir du 10 mars. Une émission dans l'autre ou presque, c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Des mots, des sons sensibles vous propose Paroles de citoyens, Radio Citoyenne, un projet mené et réalisé conjointement par les radios associatives en Loire-Sud, mené dans le cadre du contrat de ville qui consiste en la mise en place de rencontres radiophoniques organisées, produites et réalisées par Radio Ondaine, radio voisine de Firminy, et Radio Diodonc dans les quartiers politiques de la ville de Saint-Étienne Métropole. Nos deux radios vous proposent en effet depuis 2016 maintenant une série d'émissions réalisées dans ces quartiers de l'agglomération stéphanoise et nous poursuivons ainsi ce projet et cette itinérance radiophonique avec un nouveau volet qui sera le premier de cette année 2025. Nouvelle table ronde autour de l'art, du théâtre participatif ou de rue mais aussi et surtout autour de l'implication des habitants dans des projets. Nous parlerons donc de Droit dans l'œil, une série d'événements sur la thématique de la justice avec Jérémy Guignon de La Laverie, structure partenaire et organisatrice et coordinatrice d'un grand nombre de rendez-vous dans le quartier Tarentaise-Beaubrun et dans la ville de Saint-Étienne, avec notamment cet événement, le Droit dans l'œil, et notamment le spectacle Héroïne, une épopée au cœur d'un tribunal qui sera proposé par la compagnie Les Arts aux Heures les 19, 20 et 21 avril prochains. Spectacle phare donc de ce mois d'avril prochain qui d'ailleurs verra Radio Dio rejoindre cette programmation avec un festival radiophonique véritablement qui sera proposé. On aura l'occasion de vous en reparler et notamment à la fin de ce programme. Théâtre donc, théâtre aussi pour ce début d'année 2025 où un groupe de femmes s'est constitué pour participer à des ateliers théâtre Forum. Safia, Faïza, Siem, Sarah et Amel ont été accompagnées par Josiane Guinter de Terrain d'Entente et Katarzyna Perdek du Théâtre à Voltige Aléatoire. Une initiative qui a reçu le soutien du Fonds de Participation des Habitants, dotation financière qui vous sera présentée par Mélissa Pinto-Amodeo, référente de ce dispositif pour la Fédération des Centres Sociaux de la Loire et Haute-Loire. Table ronde enregistré dans les locaux de Terrain des Saveurs au 47 rue de Tarentaise, dans le quartier du même nom. Émission enregistrée hier, ce mercredi 26 février, et donc en léger différé aujourd'hui 12h, 19h, et ce sera encore le cas demain en matinale dès 8h. C'est l'émission que vous allez retrouver d'ici un instant. Paroles de citoyens, Radio Citoyenne, juste après cette première et unique proposition musicale de ce programme, avec nos découvertes partenariats Ferrarock, comme chaque semaine, notre fédération nationale des radios associatives Musiques Actuelles ou Rock de France, qui vous propose double artiste et double album en partenariat en découverte, en présentation, annonce, programmation, diffusion. C'était le cas ce début de semaine avec Biche pour l'album du même nom que je vous ai présenté, sorti le 7 février dernier chez Sava Sound Records. Je vous propose aujourd'hui de nous arrêter sur cette autre sortie récente puisque l'album est sorti le 14 février dernier. C'est le nouvel album de Cathédrale, l'album Poison, cinquième coup de cloche pour Cathédrale. Ça fait bientôt 10 ans que sont parues les toutes premières démos de Cathédrale, ce groupe que l'on suit depuis quelques quelques années, quasi depuis ses débuts, la formation toulousaine, qui a donc sorti 4 albums déjà bien salués par la presse, qui a tourné aux quatre coins de l'Europe, qui reste quand même un groupe assez emblématique de la scène indépendante française. Un groupe aujourd'hui qui est repassé de 5 à 4 membres, on va dire un format resserré, peut-être plus brut, qui correspond davantage à l'esthétique du groupe aujourd'hui. Je vous propose de découvrir ce dernier 5e album de Cathédrale, donc sorti ce 14 février dernier via Howling Banana Records et Regards. C'est la découverte et le partenariat Ferrarock cette semaine. Vous en saurez davantage en vous rendant aussi sur le site dédié ferrarock.org ou en écoutant le programme Dig Dig Diggers, notre programme mutualisé et collectif. Ferrarock qui vous sera proposé comme habitude chaque vendredi 12h-19h et le lundi en matinale dès 8h avec donc interview de Cathédrale, interview de Biche et un petit module partenaire autour des Inouïs du Printemps de Bourges 2025. On écoute Cathédrale, issue de cet album Poison, le titre The Two Worlds, avant de retrouver notre programme spécial du jour. Des mots, des sons sensibles, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Ondaine et de Radio Dio, de Radio Associative en Loire-Sud pour le projet Parole de Citoyen, radio citoyenne menée depuis de nombreuses années au sein des quartiers prioritaires de la politique de la ville de Saint-Étienne Métropole et aujourd'hui dans la cantine solidaire Terrain des Saveurs dans le quartier de Tarentaise à Saint-Étienne. Une nouvelle table ronde Parole de Citoyen, radio citoyenne autour de l'art, du théâtre, le théâtre participatif ou le théâtre de rue, mais aussi et surtout surtout sur l'implication des habitants dans ces projets. Nous parlerons donc de Le droit dans l'œil, une série d'événements sur la thématique de la justice avec Jérémy Guignan de La Laverie, structure organisatrice, coordinatrice d'un grand nombre de rendez-vous dans ce quartier, dans la ville en général, avec notamment Héroïne de la compagnie Les Arroseurs, un spectacle phare qui se déroulera lors de Le droit dans l'œil au mois d'avril à venir. Théâtre aussi pour ce début d'année 2025 où un groupe de femmes s'est constitué pour participer à des ateliers Théâtre Forum accompagnés par Terrain d'Entente et Josiane Guinter ici. Et autour de cette table, nous avons Safia, Faïza, Siem, Amel, Sarah et Katerjina Perdek qui les a accompagnées lors de ces ateliers de Théâtre Forum. D'ailleurs, cette initiative a reçu le soutien du Fonds de participation des habitants. Et comme on essaye de faire les choses bien, nous allons débuter nos échanges justement autour des fonds de participation des habitants avec Mélissa Pinto-Amoedo, référente de ce dispositif pour la Fédération des centres sociaux et EVS Loire-Haute-Loire. Voilà une bonne introduction, donc bonjour à tous. Alors Mélissa, qu'est-ce que c'est ? Moi je vois, j'ai une petite feuille qui me dit « Une envie dans votre quartier, le fonds de participation des habitants peut vous accompagner ». Expliquez-nous. Oui, donc effectivement, le Fonds de participation des habitants, c'est un dispositif qui est cofinancé par les services de l'État, la CAF de la Loire et les collectivités territoriales, Saint-Étienne Métropole, Rouennais Agglomération et Loire-Forêt Agglomération. Et donc, c'est un dispositif qui a vocation à financer des projets collectifs portés par des habitants au sein des quartiers prioritaires. Donc, le principe, c'est que quand on est au moins 3 habitants des quartiers prioritaires, on peut solliciter donc le fonds de participation qu'on appelle FPH, parce que c'est un peu long, fonds de participation des habitants. Et donc, le fonds de participation peut financer jusqu'à 1500 euros ces actions collectives portées par les habitants. Il y a tout type de projets qui sont proposés, notamment de l'événementiel, du festif, mais aussi des projets à portée pédagogique, solidaire, etc. Alors, ça existe depuis combien de temps ? Ça a été développé dès 2017 sur Saint-Étienne Métropole et ça a été élargi sur les deux autres contrats de ville de Rouennais Agglomération et Loire-Forêt Agglomération depuis 2022. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est sollicité régulièrement ou est-ce que c'est encore quelque chose qu'on travaille à faire connaître ? Alors, sur Saint-Étienne Métropole, le dispositif fonctionne très bien. On a entre 20 et 25 projets qui sont soutenus par an et on a une trentaine de sollicitations au total parce qu'on a quand même un règlement intérieur qui fait qu'on n'accepte pas forcément tous les projets, mais l'immense majorité des projets qui sont présentés sont acceptés. Et donc, on organise une commission de sélection par mois. Le dispositif fonctionne très bien. Alors, la sélection se fait sur des critères, hein, 3 personnes minimum qui ont une envie commune et il faut présenter son projet. Qui sont les personnes qui écoutent ces présentations ? Qui sont les décideurs ? Le fonds de participation des habitants a vraiment vocation à mettre au centre les habitants. Je l'ai dit, c'est financé par les pouvoirs publics, mais l'idée c'est vraiment que ce soit les habitants qui soient à la manœuvre. Et donc au sein de la commission de sélection, on a 2 collèges, un collège institutionnel avec des représentants des financeurs, mais un collège habitant qui est majoritaire et du coup qui est constitué d'habitants anciens porteurs de projets au fonds de participation. C'est-à-dire que si par exemple en 2021 j'ai proposé un projet sur mon quartier, et ben pourquoi pas en 2022, en 2023 rejoindre la commission pour passer entre guillemets de l'autre côté de la barrière et pouvoir écouter les projets d'autres habitants et avoir son mot à dire sur les soutiens qui peuvent y être apportés. Alors c'est une sollicitation financière qui est demandée par ces porteurs de projets. Dans le fonctionnement, cet argent qui va être voté, débloqué, il va où exactement ? Est-ce que les habitants doivent se constituer sous une forme précise, associative, doivent se rapprocher d'une structure existante sur le quartier ? En fait, le mot d'ordre du fonds de participation, c'est vraiment la souplesse. Et pour le coup, tout est possible. La plupart du temps, les habitants se rapprochent dans les faits d'une structure de proximité pour assurer le portage financier, parce que ça peut faire un peu peur de porter financièrement ce type de projet. Mais régulièrement, chaque année, on a aussi des habitants qui portent en direct. Et du coup, l'argent qui est débloqué donc pour un projet soutenu par le FPH permet de financer des prestations, des achats alimentaires, etc. Donc nous, on a besoin des justificatifs quand même, parce que ça reste de l'argent public, il faut qu'on soit en mesure à tout moment de justifier quelles ont été les dépenses. Mais en tout cas, le portage peut être assuré directement par des personnes physiques, des habitants. Alors si on reste un peu dans le théorique et dans la construction de ce dispositif-là, ce soutien financier est dans les quartiers prioritaires que vous avez cités. L'enveloppe se porte à quel montant ? Est-ce qu'il y a un montant décidé en début d'année et une fois que ce montant-là est atteint, les projets ne sont plus acceptés entre guillemets ? Oui, effectivement, on n'a pas des enveloppes illimitées, mais on a une enveloppe qui est quand même suffisamment importante pour ne pas être bloquée en fin d'année. En général, on arrive à peu près à soutenir l'ensemble des sollicitations. Et pour vous donner un ordre d'idée, sur Saint-Etienne Métropole, on est entre 30 et 35 000 euros à l'année débloqués pour le soutien au projet. Et en général, ça couvre à peu près le besoin. Alors, il faut vous contacter, quel est le chemin idéal lorsqu'on a un projet, on construit ensemble, et ensuite, quelle route on prend ? En fait, il y a deux étapes pour solliciter le FPH. Il y a une étape écrite et une étape orale. On a déjà parlé de la commission de sélection, mais en fait, qui arrive après l'étape de remplir un projet, une fiche projet à l'écrit. Donc, il faut envoyer effectivement à la fédération. À réception, on envoie une convocation pour la commission de sélection, qui est là la présentation orale. Quelque chose que j'ai pas dit sur la commission, mais c'est que les porteurs de projet ont la réponse immédiatement, le jour même de la commission. Voilà, ça rejoint aussi des questions de souplesse de ce dispositif qui se veut le plus facile en fait à faire fonctionner possible. Voilà, et donc c'est vraiment les deux étapes, l'étape écrite et l'étape orale devant la commission. Et après, on réalise l'action et puis un petit bilan quand même pour qu'on soit sûr que le projet a été réalisé. De l'expérience que vous avez autour de ce fonds de participation des habitants, est-ce qu'on a vu des projets ensuite se développer et perdurer en allant chercher peut-être d'autres sources de financement ? Ouais, pour le coup, ça c'est vraiment une des limites entre guillemets du fonds de participation. Vraiment, nous on a vocation à financer des projets ponctuels. Donc la difficulté, c'est quand on a des porteurs de projets qui démarrent des projets qu'ils ont envie de pérenniser et de pouvoir reproduire chaque année parce que ça a du sens, que ça anime le quartier. Donc là, dans ces cas-là, nous on va pouvoir aller au moins une deuxième fois sur un soutien, mais pas forcément au plafond. On va diminuer le soutien financier. Et l'idée, c'est d'accompagner les porteurs de projets quand c'est possible vers d'autres types de financement. Et donc on a notamment pas mal de projets qui après émergent sur les appels à projets politiques de la ville ou sur d'autres dispositifs de droit commun. Alors, on est ici dans le quartier de Tarentaise, à Saint-Étienne, et puis depuis le mois de janvier, me semble-t-il, il y a un projet qui a reçu le soutien de ce fonds de participation des habitants, un projet de théâtre forum. Un groupe de femmes s'est formé, vous en faites partie, vous êtes ici présente. Peut-être que c'est la bonne occasion d'expliquer de manière concrète comment vous avez élaboré votre projet, comment vous l'avez présenté. Alors, n'hésitez pas, prenez la parole, vous avez vos micros, et puis n'hésitez pas à nous expliquer comment vous avez fait, et peut-être pour qu'on vous reconnaisse un petit peu, entre guillemets, hein, vous donnez juste votre prénom avant d'attaquer. Ben bonjour, je m'appelle Sarah. Voilà, nous, on a su que la Laverie proposait un théâtre de rue sur le quartier Beaubrun-Tarentaise. Et du coup, elle a sollicité les associations et structures du quartier à participer à cette initiative. Donc nous, à Terrain d'Entente, tous les vendredis après-midi, on fait des cafés des femmes où on se retrouve, on partage un café, des nouvelles et plein de trucs. Et cette question de justice et d'injustice nous interpelle à chaque fois. Et donc, c'était vraiment un sujet qui nous intéressait beaucoup. On a fait juste après la rencontre de Qatar qui est venu nous rencontrer au Café des Femmes et qui nous a proposé du théâtre forum. C'est un truc qu'on ne connaissait pas avant. Nous a expliqué à peu près comment c'était, ça allait se dérouler, les séances du théâtre forum. Et donc on était toutes intéressées, motivées. Et juste après, on a fait une demande au fonds de participation des habitants. On a été avec une copine, Siham, et Josiane. Et donc, on a exposé notre projet et on a eu l'accord de la commission. Alors, le théâtre forum, c'est quoi ? qui nous l'explique. Prenez les micros qui sont devant vous. Qu'est-ce que c'est avec vos mots? Et puis on en parlera tout à l'heure avec Qatar, hein, pour expliquer aussi les techniques, hein, peut-être abordées. Allez-y. Alors c'est quoi le théâtre forum? Bonjour, je m'appelle Amel. Le théâtre forum, moi j'ai déjà participé dans d'autres théâtres forums avec l'association Terrain d'Entente. C'était ma première fois. C'était à Tardy, dans le, comment ça s'appelle, le théâtre là-bas, sur scène, on peut dire. Et comme c'était une première fois, on a senti comme on était des acteurs et des actrices qui jouaient sur scène, mais il n'y avait pas de public. Mais par rapport à cette expérience, moi personnellement, elle m'a donné plus de confiance en moi. Et j'ai vu les copines aussi, qui étaient avant un petit peu timides, qui n'osent pas parler, qui n'osent pas prendre la parole. Après l'expérience de Théâtre Forum, ils ont vraiment changé pour le bien. Et donc, pour cette fois-ci, c'est Josiane qui m'a appelée, qui m'a dit, voilà, il y a un Théâtre Forum avec Terrain des Saveurs. Est-ce possible de venir parler de l'expérience la première expérience de ce théâtre forum, et possible aussi essayer de convaincre les autres qui n'ont jamais fait le théâtre forum de participer. Et c'est une expérience vraiment belle et bonne. Et à chaque fois, on découvre des choses. Et pour moi, le théâtre forum, c'est un espace pour exprimer des choses, même par rapport à des gestes. C'est pas juste des paroles. On exprime avec notre corps, on s'exprime avec des petits mots, mais on parle. On dit des choses qu'on n'ose pas dire à l'extérieur, même elles nous posent juste une petite question et nous, on se lâche. On parle plus que d'habitude, on participe et elle donne la parole à tout le monde. Donc tout le monde participe, tout le monde ose parler, tout le monde ose dire tout ce qu'il y a. Et à la fin aussi, on a, lorsqu'on termine la séance du théâtre forum, la question, qu'est-ce qu'on apporte avec nous? Et chaque fois, on a quelque chose à apporter à la fin ou chez nous. Des fois même, on a envie de pleurer plus ou de rire après la séance ou de crier. Donc toujours, on a une émotion à l'intérieur qui est là, qui veut faire des choses pour nous. Et après, on est bien. On est, comme on dit, tranquille, on est zen, donc tout ça. Alors, justement, quels sont les sujets que vous avez souhaité aborder ensemble? Est-ce que c'était aussi, il y avait entre guillemets, un cahier des charges avec un certain nombre de thèmes qui étaient déjà inscrits à la base? Expliquez-nous, bah, Safia, allez-y, vu qu'on va faire participer tout le monde comme au Théâtre Forum. Oui, bonjour, c'est Safia. Et ça nous a rapporté, comme on l'a dit, Amel, c'est de l'apaisement, c'est des émotions qu'on sent tous les jours. Et qu'est-ce que vous avez dit comme question? De quoi vous parliez? Qu'est-ce que vous fouillez sur scène? C'est la plupart du temps, on dit des choses de ce qui s'est passé, de ce qui s'est passé de bon et de mauvais dans nos vies. Et on fait aussi des mouvements, on nous apprend comment aussi à faire, comment s'exprimer dans un théâtre, par exemple, où dernièrement, on a fait des rôles. On a fait le rôle de chacun ce que l'on a vu. Notre copine, par exemple, chacune a donné une histoire et avec cette histoire, on l'a fait en scène et ça a été vraiment, ça a été exprimatif et très bien aussi. Ça nous a bien aidé. Ouais. Alors effectivement, on ressent ici, hein, et puis même la volonté que vous avez eue toutes de venir participer à cette émission et raconter, c'est important. Faïza, expliquez-nous, c'était quand? Comment ça se passait? C'était quel jour? Bonjour, je m'appelle Faïza. Ben, c'est chaque 15 jours, c'est les vendredis matin. Voilà, on se rassemble tous ici. Comment on nous dit, voilà, comment s'est passé les 2 semaines des choses positives, des choses négatives. Théâtre Forum, c'est plein d'émotions. On rigole, on pleure, on partage tout, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on ramène à la maison ? Parce qu'on disait hein, qu'on ramène des choses à la maison. Alors, des fois, on était un peu en colère. Et puis, des fois, on peut être aussi soulagé, peut-être, à avoir laissé un peu de poids lors de ces ateliers. Voilà, des fois, on vient le matin, on est curieux. Parce qu'on ne fait pas la même chose, quoi. On nous fait toujours découvrir des nouveaux trucs et tout. On vient curieux le matin, on se pose des questions, on va faire quoi aujourd'hui et tout. Et bien, par des fois, on est stressé, on est crispé le matin. Bien, des fois, on repart soulagé, la tête vide, le moral zen, quoi. On est zen, hein, voilà. Ok. CM, vous êtes venu ici avec vos enfants. Qui parlait du théâtre hein, parce que ça veut dire que vous en avez parlé. On dévoile tout. Justement, j'imagine que c'est aussi une petite, un moyen de sortir son devoir, son rôle de maman et d'avoir peut-être des expériences avec d'autres personnes qui habitent dans le même quartier, de partager. C'est important ça aussi d'expliquer qui on est et puis trouver d'autres conseils. Oui, effectivement. Bonjour, je m'appelle Siham. Si vous me permettez, je voulais d'abord enchaîner sur ce qu'elle a dit, Sarah. Ce projet était important pour nous, pour les femmes du quartier. Généralement, c'est des femmes qui sont des femmes au foyer, qui ne sortent pas, qui n'ont pas d'activité. Donc, on a défendu ce projet pour permettre aux femmes du quartier de sortir de leur bulle, si je peux dire ça, et puis de voir et d'avoir une vision sur toutes les questions de justice et de l'injustice autour de nous, même si, par exemple, qu'on a joué des scènes où pas forcément qu'on les a vécues, mais ce Théâtre Forum nous a permis de vivre ce que les gens vivent tous les jours, des situations qui peuvent être insupportables ou injustes ou discriminatoires, peu importe, qu'on n'a pas vécu. Donc, ça nous donne une vision sur ce qui se passe réellement sur le terrain. Donc, voilà, on a appris beaucoup de choses avec Qatar. On découvre que nous sommes doués un petit peu, les actrices. Et ce qu'on apporte avec nous, c'est ce sentiment des autres. On a tendance à être individuel dans cette société, mais ce théâtre nous a permis de vivre ensemble, de voir les choses autrement. Voilà, pour moi, c'est une belle expérience qui nous a réunis. Voilà, je vois c'est ce qui nous manque dans cette société, c'est d'être à la place de l'autre. Alors, vous étiez combien de personnes à participer et est-ce que vous êtes engagé sur la totalité des ateliers ? Est-ce qu'aussi il y avait ce côté-là, ce rendez-vous à ne pas manquer ? Expliquez-nous un peu le nombre de personnes qu'il y avait. Alors, allez-y, qui souhaite prendre la parole ? Alors, Josiane. Allez, je dis un petit mot. Alors oui, comme tu dis, c'est vrai qu'autant que faire se peut, c'est l'idée d'un processus, donc on vient autant que possible, mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille, donc chacun peut venir à son rythme et selon ses possibilités. J'aimerais rebondir sur ce que dit CM, parce que c'est vrai que c'est précieux. J'avais découvert avec Amel le Théâtre Forum auparavant, et ce que j'avais trouvé très précieux, c'est de réaliser qu'on se confronte tous à des situations qui sont difficiles et qu'effectivement, le collectif devient chaque fois une force parce qu'on a le point de vue, la façon de comprendre et d'appréhender les choses des unes et des autres et des uns et des autres. Et ça développe plein de champs de possibles. Et puis de sentir qu'effectivement, plus on est seul et plus on peut être en difficulté et plus on parle des situations et plus on se donne de la chance de les résoudre. Donc on est à peu près une quinzaine à venir autant que possible régulièrement. Et puis une dernière chose, oui, qui m'a marquée dans ce qu'on vit avec Qatar, c'est le fait que parfois on arrive très triste, très sombre, un peu découragé, et en même temps, avec sentir que c'est un paradoxe qu'on vit. Il y a des moments très sombres et il peut y avoir tout de suite après de la joie de pouvoir déjà être entendu et pris en compte par les autres dans ce moment difficile, sentir que les autres l'entendent et qu'il y a de l'empathie et de repartir avec plein de joie. Alors ça fait plaisir d'entendre ce que vous avez vécu. On cache rien, hein. Moi j'ai contacté Josiane pour venir faire des reportages sur ces ateliers. On m'a dit non, ne viens pas, c'est fermé et on ne veut personne de l'extérieur. Alors justement, Qatar, donc du théâtre à voltige aléatoire, comment on s'organise sur des ateliers tels que ceci, ce théâtre forum? Comment on s'apprivoise les uns et les autres? Comment on essaye de se connaître avant de se mettre, entre guillemets, au travail? Alors, moi, c'est Katarzyna, bonjour. Comment on s'est apprivoisé, comment on s'est rencontré? Moi, je suis déjà venue en amont pour présenter les ateliers. La rencontre, c'est la volonté de se rencontrer, déjà. Il y avait... l'envie de s'exprimer, beaucoup de bienveillance. Donc, je pense que quand il y a du respect et de l'écoute, la rencontre, elle est facile, finalement. Voilà. Donc, la rencontre est facile. Ensuite, c'est très facile de se mettre en scène. Non ? C'est-à-dire que donc, le Théâtre Forum, c'est déjà un processus d'éducation populaire qui a été créé dans les années 70 pour Augusto Boal, et le but du Théâtre Forum, c'est de s'adresser à des gens qui ne sont pas comédiens. Donc, tout est pensé pour que il n'y a pas de scène, on est entre nous. La première phase, évidemment, c'est de se familiariser, de poser des règles qui vont faciliter l'expression, comme le fait de ne pas se juger, de ne pas commenter ce que dit l'autre, d'accepter la parole de l'autre, quelle qu'elle soit. Donc avec des règles assez simples. Et puis le principe d'un atelier, c'est des jeux accessibles à tous. On appelle ça des jeux d'ailleurs. Pour commencer à libérer la parole. Et une fois que la boîte de Pandore est ouverte, c'est tout le monde qui déferle. Alors c'est tout le monde qui déferle, tout le monde qui vient jouer, qui vient participer. On met des cadres quand même sur des temps donnés de construction. Par exemple, je vous ai proposé de ne pas venir. Ça fait partie du cadre parce que comme nous étions dans un groupe de femmes pour parler de thématiques, comme tu le disais, Siem, de femmes qui dans leur quotidien... souvent sont des femmes au foyer, je reprends tes mots, etc. C'est un univers spécifique que peuvent... Moi, je voulais d'abord créer cette bulle d'intimité sans avoir de spectateurs. Toutes les femmes qui étaient présentes ont participé, comme toi, par exemple, Josiane. Comme ça, tout le monde est impliqué au même niveau et c'est beaucoup plus simple quand la relation elle est horizontale. C'est pour ça qu'avoir quelqu'un qui regarde ces ateliers-là, c'est pas dans le cadre, du projet. Le cadre, c'est par exemple, si l'un des jeux ne convient pas, n'importe qui, à n'importe quel moment, peut décider de s'extraire. Et c'est OK, sans avoir besoin de se justifier ou autre. Et si quelqu'un a envie de revenir et change d'avis, même au bout de 20 secondes, c'est OK aussi, pas besoin de se justifier. Et puis chacun a la possibilité de ne pas répondre. Chacun s'implique au niveau où vous avez envie de vous impliquer. Alors des sujets plutôt intimes, plutôt en cercle fermé, c'est la volonté, qui s'ouvrira avec la laverie, on en parlera tout à l'heure, parce que ça rentre quand même dans un cadre qui est un peu global. Mais ce projet-là, il avait aussi, tout à l'heure on l'a un peu abordé, mais il s'était basé aussi sur des questionnements, relations face aux institutions, relations avec ses enfants, face aux écoles. Ça, c'est des choses qui étaient... Est-ce que c'était imposé? Est-ce que c'était dans le projet initial qui a été présenté au fond de participation des habitants? Expliquez-nous si finalement c'est une co-construction ou ces sujets-là ont été abordés au fil des rencontres. Oui, tout à fait. On en avait discuté avec Josiane. C'était l'idée de parler des questions de justice était présente dès l'énoncé du projet. Ensuite, pour l'instant, on a fait 3 séances sur 6. Donc, on est à la moitié du processus. Et le principe du théâtre de l'opprimé, puisque le théâtre forum, c'est une des facettes du théâtre de l'opprimé, c'est de donner la parole aux gens qui subissent une oppression, donc une injustice, contre laquelle on peut se sentir démuni, contre laquelle on ne trouve pas quoi répondre au début. Donc de toute façon, le principe même du théâtre forum va pile poil dans l'énoncé du projet. On a commencé par une mise en confiance, 1-2 ateliers. Là, on est rentré un petit peu plus dans la mise en scène et il y a déjà des... On a parlé, sans vouloir trop en dire, mais de l'école, par exemple, ou de discrimination. Et donc, dans les 3 séances qui nous restent, on va aller creuser un peu plus. Pour l'instant, ce projet est entre nous et les participantes ont la possibilité de le montrer à des gens pour que ces personnes-là du public puissent aussi ressentir cette empathie et se mettre à leur place. Mais ce sera leur choix et on le décidera à la fin du parcours. Alors, Mélissa, du coup, on a un exemple concret soutenu par le Fonds de participation des habitants. Je regarde ma feuille, comment ça fonctionne? Là, on peut se dire ça fonctionne. Ouais, exactement, ouais. Le fonds de participation, il vient vraiment intervenir sur la partie financière qui effectivement permet de financer l'intervention, etc. C'est l'utilité d'apporter ce soutien financier pour la réalisation d'un projet tel que celui-ci. Ouais, mais du coup, faut aussi remettre à sa juste place. Enfin, ce qui compte beaucoup, c'est aussi d'avoir sur les quartiers des personnes qui ont envie de faire bouger leur quartier, d'animer leur quartier. Et effectivement, c'est très bien que des outils comme le fonds de participation existent pour faciliter cette possibilité, mais faut aussi remettre la légitimité aussi des habitants et habitantes eux-mêmes sur les quartiers à se bouger, à se saisir de ces questions-là et à faire des aussi beaux projets. Voilà, ne pas se dire ça sert à rien, ils vont nous dire non, et puis voilà, on sait que voilà, on peut avoir ce soutien-là. Gros événement à venir au mois d'avril, c'est la Laverie qui coordonne, on va rentrer un peu en détail, ce mois d'avril qui s'appelle le droit dans l'œil, autour de la justice. Ici, dans ce quartier, on a le palais de justice, et puis dans d'autres lieux de Saint-Étienne aussi. Alors Jérémy Guignan, La Laverie en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, La Laverie, c'est une association qui s'est montée à Saint-Étienne il y a 8 ans avec l'envie d'accueillir des compagnies qui font le choix de ne pas travailler dans des salles dédiées au spectacle ou dans des salles de concert, mais plutôt de venir jouer dans la rue ou en tout cas dans des espaces publics. Et nous, il y avait vraiment cette envie d'amener un petit peu ce type de spectacle à Saint-Étienne et aussi cette envie de se dire que programmer un spectacle, c'est pas juste accueillir des gens qui viennent voir le spectacle et qui repartent chez eux, mais c'est avant tout un prétexte pour créer des rencontres et passer du temps ensemble. Du coup, c'est ce qu'on fait depuis 8 ans avec que des formules qui changent, qui peuvent durer une journée ou un mois, comme ça va être le cas en avril. Voilà, là, cette formule-là, le droit dans l'œil, ce sera donc au mois d'avril. Et on va vous aller investir les rues, les espaces. Mais avant ça, c'est un travail de coordination aussi avec les habitants, avec des structures existantes. C'est un travail collaboratif. Comment on fait autour d'un projet, à différentes structures qui ne sont peut-être pas dans le même champ d'activité que La Laverie. Comment on arrive à avoir une ambition commune au sein d'un quartier si on réduit au quartier de Tarentaise ? Et déjà, on n'est pas tout seul. Le fait de fédérer de nouvelles personnes, c'est quelque chose qui se fait petit à petit. Donc nous, on est parti. En fait, on s'est donné 1 an pour construire ce projet, chose qu'on n'avait encore jamais fait jusqu'à présent. Et ce projet, il est un peu né de l'envie d'accueillir un spectacle qui s'appelle Héroïne, dont je pense qu'on parlera. Et ce spectacle qui a été une énorme claque pour l'équipe de La Laverie. Nous, on a fait des kilomètres pour aller le voir, puisqu'on est des passionnés. On va dans les festivals d'art de rue un peu partout en France. Mais on a eu la chance d'apprendre qu'il jouait en avril 2024 à Andrézieux. Et donc, on a proposé à une trentaine de personnes du quartier, enfin, on était un groupe de 30 personnes avec La Laverie, d'aller voir ce spectacle. spectacle qui raconte le quotidien d'un tribunal. Donc plusieurs personnes sont venues, je sais que Josiane était là, il y avait aussi Ramzy de Terrain d'Entente et plein d'autres personnes. On est allé voir ce spectacle et en fait on s'est rendu compte que notre engouement autour de ce spectacle, il était partagé et que tout le monde avait envie d'accueillir ce spectacle dans les quartiers autour du Palais de Justice, effectivement. Ce qui fait qu'on a créé un premier petit groupe avec Terrain d'Entente, la CARS, donc la prévention spécialisée, le Centre social du Babet et l'Amicale Tardy. Et on a commencé à se réunir avec cette envie, un an plus tard, en avril 2025, d'accueillir ce spectacle et de se dire que bah, autour de ce spectacle, tout était possible pour créer des rebonds, des à-côtés autour de cette thématique de la justice. Et donc, petit à petit, que ce soit la laverie ou les quatre premières structures, on est venu à inviter des gens à rejoindre le projet et à proposer des choses. Comme on disait tout à l'heure, bah, c'est dans ce cadre-là que l'idée du Théâtre Forum pour creuser cette question est apparue. Aujourd'hui, entre les structures que la laverie invite et les structures qui ont rejoint le projet, on est à plus de 30 structures qui s'intègrent dans l'événement. Et peut-être juste dire que c'est ce qui nous intéressait quand on parle d'un sujet comme la justice, c'était pas de venir poser un discours, mais c'était plutôt d'écouter tous les points de vue. Et après, on est libre à chacun de se faire un point de vue, mais en tout cas de se dire qu'il y en a plein de différents. C'est pour ça que dans les partenaires, on a les structures dont j'ai parlé, on a la faculté de droit, le tribunal, on a SOS Med, on a SOS Violence Conjugale, la cinémathèque, la médiathèque, la librairie L'une et l'autre, le remue-ménage. Enfin voilà, c'est vraiment un large panel de gens qui n'ont pas forcément l'habitude de se rencontrer, d'échanger ensemble. Alors, parlons de Héroïne, de la compagnie Les Arroseurs. C'est du théâtre de rue. Est-ce que c'est du théâtre de rue? Voilà, c'est ça. Du théâtre de rue. Et oui, c'est Héroïne le plus important dont il faut parler, puisque c'est ça qui nous met des étoiles dans les yeux, qui nous a mis des étoiles dans les yeux et qui est à l'origine de ce projet. Donc Héroïne, c'est un spectacle qui est né d'une comédienne metteuse en scène qui s'appelle Perrine Fèvre et qui pendant 14 mois s'est rendue régulièrement dans un tribunal du sud de la France. Elle a vraiment passé du temps à explorer tous les recoins du tribunal. Autant elle est allée voir des auditions dans des salles d'audience, qu'elle a passé du temps à côté de la machine à café, à voir les gens qui discutaient avec les gens qui attendaient. Elle est allée passer du temps avec les femmes de ménage, du temps dans les réunions professionnelles d'avocats. Enfin, vraiment, elle s'est glissée en observatrice pendant 14 mois dans ce tribunal. Et à partir de ça, elle a écrit un spectacle où l'idée, c'est de raconter un petit peu toutes les scènes de la vie quotidienne d'un tribunal, ce qui s'y joue, donc comme je disais, dans les salles d'audience ou dans d'autres endroits. Ce faire, donc ce spectacle, le décor reconstitue un décor de tribunal. Le public est assis sur des bancs comme dans un tribunal, avec une indication, c'est que vous êtes dans un tribunal et comme quand on est spectateur dans un tribunal, on peut rentrer, on peut sortir. Donc c'est vraiment du théâtre vivant où on peut bouger, changer de place. Et pour jouer ce spectacle, elle a invité 12 personnes, des comédiens, mais il y a aussi d'autres pratiques, de la musique et un peu de danse, notamment de la danse crump, qui est une discipline du hip-hop, discipline très incarnée, qui vise à exprimer les émotions de justice et d'injustice par le corps. Enfin, du coup, ça donne un spectacle qui est vraiment qui touche à plein de disciplines et qui va parler de plein de choses autour de la justice avec une grande justesse. Alors, on arrive avec ce spectacle-là dans un quartier où on va le jouer dans la rue. Comment on fait pour ne pas s'imposer dans cet espace d'habitation avec des gens qui ont leurs habitudes, des gens qui y vivent et justement, c'est l'objet un peu de cette discussion. Comment on implique les habitants du quartier? On l'a vu avec le Théâtre Forum, mais au-delà, comment on en parle? Est-ce que vous venez aussi ici en parler régulièrement via les structures qui sont associé à ce projet-là, comment on l'explique qu'on va venir s'installer et créer un événement on vient chez vous? Ben effectivement, on s'impose un peu, l'idée pour nous, c'est avant tout de partager notre passion et le coup de cœur qu'on a eu autour de ce spectacle. Et en fait, ça nous tient à cœur de dire aux gens, mais venez voir ce spectacle, nous on a vraiment aimé, on a envie de vous montrer ce qu'on aime et d'en discuter avec vous. Tout comme quand on vient manger à la cantine de Terrain des Saveurs, où on vient découvrir ce qu'il y a à manger et qu'il y a des cuisinières passionnées qui veulent nous faire découvrir leur bouffe. Et ben nous, on a envie de faire découvrir ce spectacle qui nous anime. Et pour pour ce faire, c'est vrai que ce projet là qui se construit pendant un an, l'idée c'est que la laverie, on est plus coordinateur, comme tu disais tout à l'heure, qu'organisateur, et on travaille à rassembler plein de gens qui chacun, chacune vont aussi être porte-parole, ambassadeur, ambassadrice du projet pour en parler. Enfin, par exemple, je ne sais pas, Josiane et Ramzy qui ont vu le spectacle il y a un an, on sait que c'est déjà des ambassadeurs et des ambassadrices qui vont partager leurs ressentis autour du spectacle. Le fait que chaque structure partenaire s'empare du projet pour faire des choses en amont, comme le projet de Théâtre Forum. Il y a également un projet de théâtre avec des jeunes de 15 à 20 ans qui créent un vrai faux procès de la justice qui sera peut-être jouée au tribunal. Je crois qu'il y a ta fille qui en fait partie, Sarah, c'est ça ? Ouais. Vous partagez toutes les deux le théâtre dans la famille. Il y a le centre de loisirs du Babet, le centre de loisirs de Tardy, qui avec les enfants travaille par exemple sur la figure de Calimero. Il y a vraiment plein de choses qui se passent un petit peu partout. Et c'est cette envie de créer un peu une émulsion qui rassemble tout le monde et de se dire aussi que, par exemple... une structure comme SOS Med qui va organiser toute une soirée avec Alarm Fun sur la question de la justice migratoire va accueillir son public, parler de cet événement autour de son public et du coup donner envie de venir aux autres soirées. Et nous, on a notre public et on va donner envie de faire se croiser les gens dans les différents événements, quoi. Et puis, cette volonté de la laverie, c'est aussi de proposer des spectacles de rue, donc gratuits, avec aucune obligation de rester. On peut voir et on peut s'installer si ça nous intéresse. Si on a quelque chose à faire, eh ben, on reviendra peut-être sur une autre présentation. C'est aussi cette volonté de ne rien imposer, et surtout si on n'impose rien, c'est ne pas demander de participation aux habitants, juste la volonté d'être là. Exactement, il y a quelque chose que tu dis qui moi me semble essentiel dans les arts de rue, c'est en fait cette chose-là que, vu qu'on est dans l'espace public, on peut partir si on a envie de partir, et ça c'est ok. Enfin, c'est quelque chose qui est plus compliqué. Il y a une forme de frontière symbolique un peu quand on est dans une salle de théâtre ou de salle de cinéma, on a l'impression qu'on va déranger les gens, alors que dans la rue c'est beaucoup plus facile. Et on vous incite quand même à rester, hein, mais mais voilà. Et de la même manière, le prix libre, c'est pas totalement gratuit, c'est plutôt un prix libre où on propose aux gens de participer et de s'impliquer dans ce qu'on organise, parce que les recettes du public sont aussi importantes. Mais par contre, pour nous, le prix libre, ça veut dire de 0 euro à l'infini. Donc chacun, chacune se positionne en fonction de ses possibilités et de ce qu'il ou elle a pensé souhaite donner par rapport à ce qu'elle a vu, quoi. Alors, si les questions de date pour Héroïne, ça se jouera quand ? Alors, Héroïne, il y a 3 représentations à Saint-Étienne, le samedi 19, le dimanche 20 et le lundi 21 avril. Peut-être préciser que le lundi 21 avril, c'est le premier jour de vacances et c'est un jour férié puisque c'est le lundi de Pâques. Donc pour les gens qui fêtent cette fête en repas de famille, ça jouera à 15h, donc c'est parfait pour ressortir de table et venir voir le spectacle. Le droit dans l'œil, ça commence quand et où est-ce qu'on a tout le programme en détail ? Alors le programme sera imprimé la semaine prochaine et donc grâce à tous les partenaires de l'événement, tout le monde va se relayer pour le distribuer un peu partout dans Saint-Étienne. Bien sûr, il sera disponible en ligne sur la-laverie.fr. Il va également y avoir des temps de distribution événementielle du programme dans le quartier, là juste en face sur la place devant la Comète, où les bénévoles de la laverie préparent des animations autour de la justice, et les autres partenaires sont aussi invités à venir parler de tout ce qui a pu se faire. Donc, et pour les dates, ça va s'étaler du 2 au 30 avril. Qu'est-ce qu'on en fait après de cette animation, de ce moment partagé dans un quartier, un an de travail hein, pour l'organiser. Ensuite, on part sur d'autres projets, ou est-ce que la laverie a envie de continuer aussi de s'investir dans ces quartiers où vous avez passé du temps, parce que ce n'est pas le premier quartier de Saint-Étienne dans lequel vous évoluez et vous proposez des choses. Est-ce que vous revenez ensuite ? Est-ce que vous avez aussi peut-être des demandes, des interventions, etc. Eh ben, c'est une très bonne question, voire même une question un peu piège, puisque ça fait une des envies de la laverie, c'est d'être itinérant et de faire des choses un peu dans tous les quartiers. Il y a 2 ans, on s'était trouvé dans les quartiers sud-est, là, vers la Métard. Des fois, il y a un peu ce risque avec les événements de la laverie, c'est de venir, de rencontrer plein de gens, de faire un événement ensemble et de partir en se prenant dans les bras, en disant « Ah, c'était super d'organiser ça ensemble ». Et puis, des fois, nous, avec notre envie d'itinérance, on part dans un autre quartier et on laisse tomber tout ça. C'est pas toujours le cas, notamment à Beaubrun où ça fait quand même plusieurs années, Tarentaise, Beaubrun, Tardy, Courriot, ça fait plusieurs années qu'on rencontre des structures et j'ai l'impression qu'on a de plus en plus envie de se dire aussi que ce qu'il y a d'important, c'est que les projets, on les construise ensemble. Souvent, avant, on allait vers des structures en leur disant « Ah voilà, on veut accueillir tel spectacle, faire tel projet, est-ce que vous êtes d'accord ?» Et là, cette démarche nous montre qu'on peut fonctionner différemment, notamment cette idée d'être allé voir un spectacle ensemble pour valider le fait qu'il y ait plusieurs habitants, habitantes qui souhaitent l'accueillir dans leur quartier avec nous. Ça donne un peu d'autres perspectives. Et c'est vrai que de se dire qu'après l'événement, de peut-être faire un bilan avec les gens du quartier et voir s'il y a d'autres choses à faire, c'est quelque chose qui commence à germer dans nos têtes. Et juste dire aussi qu'après, voilà, dans ce qui peut se passer après des événements, il y a plein de choses qu'on voit de loin, mais on ne contrôle pas tout. Et le fait de mixer plein de structures différentes, on voit qu'il y a aussi déjà dans l'organisation de cet événement des ponts qui se sont créés entre des gens qui ne se connaissaient pas. Et rien que d'être observateur ou observatrice de ça, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup, quoi. Alors vous, habitante du quartier... un peu dans la confidence de ce qui va se passer par ce théâtre forum. Vous en parlez autour de vous de ce qui va se passer, de la laverie, de ce mois dédié, le droit dans l'œil. Est-ce que voilà, c'est un sujet de conversation du quartier Tarentaise-Beaubrun ? Ou si ce n'est pas un sujet de conversation, est-ce que vous dites « Tiens, il faut que j'en parle à ma voisine ». Bon, par rapport à la laverie, moi j'ai déjà fait une formation avec quelques personnes de la laverie. Avec le CREFA de Loire. Et donc, j'ai connu la structure de la laverie en ce moment-là. Et dès que j'ai entendu parler qu'il y a des théâtres, donc je commence à dire, et il y a ça pour le week-end 19, 20, 21. Donc, j'ai commencé à parler quelques-unes de mes connaissances qu'elles viennent participer pour voir avec leurs enfants le spectacle qui sera à l'extérieur. Voilà, une communication pratique, celle qui est directement sur place et qui s'étend comme une toile. On arrive au terme de cette émission. Je pense qu'on en parlera aussi ici, à Terrain des Saveurs. Donc c'est cette cantine solidaire qui nous accueille aujourd'hui. Alors Josiane, on va terminer par finalement ce lieu qui nous accueille, qui nous a permis de faire cette émission. C'est quoi ? Donc, je voulais rebondir quand même sur cette histoire, parce que c'est pas une mince affaire d'ouvrir des espaces et de construire tous ensemble une culture commune. Donc c'est vrai que ce qui est génial, c'est que la laverie, vraiment, à la cantine, Terrain des Saveurs, elle fait vraiment partie des meubles. Hein. C'est une équipe qui vient assez régulièrement. Donc c'est des amis. Voilà, je trouve ça très précieux et je tiens à les remercier de rendre possible des moments où on se rencontre entre structures. C'est pas facile du tout. Hein. La vie est rude hein, pour toutes les petites assos. Et de se mettre autour d'une table sur un projet commun coordonné par quelqu'un qui est un petit peu en retrait d'une réalité qui n'est pas si simple, c'est extrêmement précieux. Effectivement, ça amène des nouvelles habitudes. Mais c'est vraiment le temps long. Hein, voilà, c'est pas du tout... Je pense pas que ce soit un sujet de conversation dans la rue régulièrement en disant, au fait, la laverie, tout ça. Mais n'empêche que ça commence à vraiment faire partie d'une réalité. Et la réalité de ce quartier fait aussi partie de ce que peut partager la laverie. Et ça, c'est... Aujourd'hui, je pense que c'est extrêmement précieux de le développer. Donc, ça permet de bien introduire Terrain des Saveurs parce que c'est vraiment sa volonté. Terrain des Saveurs, c'est parti d'abord d'une problématique d'alimentation et d'immense précarité. Sur le quartier, après le Covid, les surendettements ont explosé et pratiquement toutes les familles qu'on connaissait, nous, avaient recours à l'aide alimentaire. et on a réalisé ce que c'était que l'aide alimentaire à ce moment-là. Donc on a senti que c'était extrêmement précieux de partir sur sortir de l'aide justement et de créer un droit pour tous à une alimentation de qualité. Donc on est en train petit à petit de s'y acheminer puisque depuis ce mois-là, on démarre une expérimentation autour de la Caisse sociale de l'alimentation. Et la Terrain des Saveurs est extrêmement partie prenante de ce projet puisqu'elle contribue financièrement à abonder la caisse. On va donner notre chèque ce soir à notre assemblée. Donc la cantine, on est installé ici d'une manière très agréable depuis janvier 2024. La GAZEF nous a permis de mettre ce local à disposition en signant une convention sur 5 ans renouvelable. Donc on est un peu là d'une manière pérenne. Donc ça, c'est très bien. Ce sont uniquement des habitants du quartier qui organisent cette cantine et qui le construisent collectivement. Et c'est un très beau travail, une qualité de travail hein, où chacun prend soin les unes des autres, où on essaye de développer pour chacune des apprentissages hein, sur la cuisine. Là, je pense qu'elles n'ont rien à apprendre, toutes ces femmes, mais autour de plein d'autres trucs, parce que la cantine, il ne suffit pas de juste savoir faire des bons petits plats. Hein. Il faut planifier, anticiper, accueillir, voilà, être d'un bout à l'autre du travail qui démarre chaque mardi et vendredi et jeudi, de 8h du matin jusqu'à 3h de l'après-midi. Donc, c'est des personnes qui font ça gratuitement. On a seulement un emploi qu'on peut financer en coordination de 24 heures. Hein, donc, c'est largement insuffisant. Mais voilà, c'est tout des personnes qui contribuent de manière très volontaire à ce que ce projet y perdure. Donc, on accueille... Alors, c'est une cantine solidaire. Ça veut dire que là aussi, les prix sont libres. Et comme le dit Jérémy, c'est comme on peut. Donc, on indique un prix d'équilibre à 7 euros parce que ça permet à toutes ces femmes qui travaillent gratuitement d'être gratifiées d'un bon d'achat qu'elles peuvent aller dépenser à Vrac, un lieu de distribution qui propose chaque mois de la nourriture de qualité à prix coûtant. Donc, ça permet au moins d'avoir un petit plus à vivre. Donc, on a ouvert les mardis et les jeudis. Il faut s'inscrire parce que c'est bien de pouvoir anticiper. On a quand même une belle capacité d'accueil de 30 à 40 personnes d'une manière assez confortable. Et puis, je ne sais pas ce qu'on pourrait dire d'autre. Ouais, qu'est-ce qu'on y mange ? Ben, on fait une cuisine du monde, des repas végétariens plutôt simples, économiques. Tous nos fruits et légumes sont issus de notre maraîchage. Sinon, on récupère les invendus de chez Satori's et quelques magasins bio ici dans le quartier. Donc voilà, les repas sont simples. Et c'est pour ça aussi que cette variété de cultures aussi, ça apporte quelque chose à notre cantine. On n'exclut personne. Tout le monde est le bienvenu pour cuisiner, pour manger à la cantine. Voilà, et on y croise beaucoup de monde et même des gens qui prévoient des projets dans la ville, comme la laverie qui vient ici régulièrement. Ben c'est ça que je me disais aussi, c'est que nous, on insiste beaucoup sur le fait que le festival qu'on veut faire, on veut générer des rencontres. Mais en fait, Josiane, tu parlais d'un peu de la construction dans l'ombre. En fait, je crois que ce qu'il y a tout aussi important, c'est les rencontres qu'on fait depuis le mois d'avril dernier et toutes les rencontres qui se créent dans cette organisation, quoi. Par exemple, tu dis que on vient tout le temps à la cantine Terrain des Saveurs. Et ben, petit à petit, on s'est rencontrés, on apprend à se connaître. C'est un lieu où on a rencontré aussi d'autres personnes. Et puis, ben, c'est la même chose avec tous les autres partenaires du projet. Donc, ça, c'est vraiment hyper stimulant qu'un événement soit pas qu'un simple événement éphémère, quoi. Eh ben, ravi de vous avoir écouté tout au long de cette émission. Parole de citoyen, radio citoyenne qui porte bien son nom alors que vous écoutez sur Radio Ondaine et sur Radio Dio. Merci Jérémy, merci Mélissa, merci Qatar, merci Safia, Faïza, Siem, Amel, Sarah et Josiane et les enfants d'être venus, d'avoir pris du temps pour parler de vos projets ici sur ce quartier de Tarentaise. Beaubrun. À bientôt sur les ondes de Radio Ondaine et de Radio Dio pour Parole de Citoyen, Radio Citoyenne. Merci à vous. Et voilà pour ce programme Parole de Citoyen, Radio Citoyenne, enregistré hier mercredi 26 février. Et qui est en proposition et en léger différé donc ce jeudi 27 février à midi sur ce direct, 19h ce soir et demain en matinale dès 8h, enregistré dans les locaux de Terrain des Saveurs, local bien nommé, situé 47 rue Tarentaise, sur le quartier Tarentaise, bien entendu, comme son nom l'indique. Une émission que vous retrouverez également en rediffusion sur Radio Ondaine 90.9, avec qui, bien sûr, nous co-réalisons et co-produisons ces émissions, que vous pourrez retrouver donc sur Ondaine à Firminy le 4 mars à 13h ou le vendredi 7 mars à 17h, avant de les retrouver sur nos sites respectifs, bien sûr en ligne, disponible donc en écoute et en replay, comme l'on dit, via nos sites internet dédiés. Alors simplement peut-être préciser, parce que nous avons annoncé les dates de ce spectacle qui est au cœur de ce projet, Héroïne, une épopée au cœur d'un tribunal par la compagnie Les Arroseurs. Ce seront donc bien les 19, 20 et 21 avril. Simplement, nous n'avons pas précisé le lieu, ce que je vais me permettre de rajouter, puisque ce sera joué le 19 avril à 19h, le dimanche 20 avril à 15h et le lundi 21 avril à 15h également, au gymnase de Beaubrun. C'est au 5 rue de l'Apprentissage. On reste proche du quartier Tarentaise, Beaubrun. Donc bien entendu, ce sera à prix libre, au chapeau, comme cela a été rappelé également par La Laverie et Jérémy Guignan en l'occurrence. Autre information peut-être complémentaire, deux autres même pour boucler et terminer ce programme. Eh bien, en avant-première, Perrine Fèvre, la metteuse en scène de ce spectacle, sera présente à Saint-Étienne. Avec Moreno, qui est peintre-dessinateur du spectacle, ils seront en effet présents à Saint-Étienne la semaine prochaine et donc invite le public à trois temps de rencontre pour discuter donc avec vous, public, de ce spectacle. Peut-être de quoi vous inciter à venir profiter en effet des séances des 19, 20 et 21 avril prochains. Alors, ces rencontres auront lieu mardi 4 mars à 18h30 à la Fiterie, 9 rue Georges Dupré à Saint-Étienne, le jeudi 6 mars à 13h30 précisément à la cantine Terrain des Saveurs au 47 rue de Tarentaise, et enfin, troisième temps d'échange possible, ce sera le jeudi 6 mars prochain à 16h au centre social Le Babet, quartier là aussi toujours Beaubrun-Tarentaise au 10 rue Félix Pia. On vous renvoie bien sûr sur le site ou les réseaux de La Laverie, comme cela a été rappelé. Et puis, simplement pour terminer, eh bien, ce projet-là et ce spectacle et le travail de cette compagnie va faire l'objet eh bien, d'un véritable festival radiophonique, un événement partenaire. Nous sommes véritablement finalement aussi participants, voire organisateurs de cet événement. C'est un festival radiophonique qui va vous attendre tout le mois d'avril prochain sur le 895 de Dio, Festival Radio Le Droit dans l'œil, en partenariat avec La Laverie. Bon nombre de nos programmes, de nos émissions se sont appropriés cette question, ces questions de justice, d'injustice dans le cadre de ce festival Le Droit dans l'œil. Ça va démarrer sur Dio le 1er avril jusqu'à la fin du mois d'avril, voire même prolongation jusqu'à début mai prochain. Vous pouvez vous rendre d'emblée sur le site de Dio, radiodio.org, où précisément le programme de ce festival radiophonique vous y est présenté. Et dans ce cadre-là, je peux vous annoncer de suite que pour ces mots et sons sensibles, vous aurez la rediffusion de cette émission spéciale qui présente toute cette démarche hein, qu'il faut saluer, démarche remarquable. Ce sera le 3 avril prochain à midi. Et puis dans ce même programme, ce sera le lundi 7 avril, nous aurons le plaisir d'accueillir précisément la compagnie des Arroseurs pour présenter ce Droit dans l'œil et ce spectacle avec l'équipe de La Laverie qui sera également présente en nos studios. Mais bon nombre d'autres programmes donc à retrouver dans le cadre de ce festival radiophonique. Eh bien, il est grand temps de terminer avec précisément en pré-annonce là aussi un jingle que vous allez retrouver de multiples reprises en diffusion aléatoire sur nos ondes pour annoncer cet événement. En guise précisément de générique de fin et voire d'ouverture, bah c'est tout à fait bienvenu pour terminer. Tout bon chez vous, portez-vous très bien. On se retrouve en direct live après un peu de répit, à partir du 10 mars prochain. Sur ce, portez-vous bien. Ciao, bye. Une rumeur provient du bas, échappe au brouhaha. On entend alors clamer, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Sur Radio Dio, on ne se fourre pas le doigt dans l'œil, on ouvre grand ses oreilles. Tout le mois d'avril, sur Radio Dio 89.5, on vous propose un festival radiophonique sur les questions de justice. En partenariat avec La Laverie pour son festival Le Droit dans l'œil. Pendant tout un mois, on se questionne sur la justice d'État, un des instruments de répression qui ne fait que reproduire les rapports de domination systémique, notamment le racisme et le classisme. Entre nous, plateau en direct du festival, des émissions musicales, des rediffusions d'émissions camarades, des émissions politiques. Toute une partie de la radio s'empare de cette thématique. Nous même pas dénoncer, sauf les flics et les PDG. Nous même pas dénoncer. On parlera de justice transformatrice, de cancel culture, des ex-tribunaux militaires, de justice migratoire et d'abolition des frontières, de violences policières et pénitentiaires, de la répression envers les personnes étrangères et les sans-papiers, et même une émission spéciale autour du groupe Justice. Et sûrement bien plus de choses encore. Alors ouvre bien tes oreilles et écoute Radio Dio 89.5 à Saint-Étienne ou en streaming sur radiodio.org. Pas de justice, y'a pas de paix. C'est la même turpitude, marche à genoux, y'a pas de paix. Tant qu'ils braquent des satellites sur nos frères, y'a pas de paix. Même si un seul gosse meurt de rue, on cherche en repas. Les immondices, si y'a pas de justice, y'a pas de paix. C'est la même turpitude, marche à genoux, y'a pas de paix. Tant qu'ils braquent des satellites sur nos frères, y'a pas de paix. Même si un seul gosse meurt de rue, on cherche en repas. Dans les immondices, si y'a pas de justice. Le meilleur des mondes est pas. Programme complet sur le site de Radio Dio. Radio-Dio.org.